Écoutez-moi. Je suis conscient et content du travail que vous avez accompli. Mais il va falloir redoubler d'efforts. Car son album arrive. Toi là-bas, c'est bien ce que tu as fait la dernière fois. Je pense que tu peux faire mieux. Et toi, Malik, t'es un proche de la famille. Joue avec ça, sois plus malin. Soyez tous un peu plus malins. Car son album arrive fort, très fort. Mais en attendant, trinquons. Car l'hiver arrive bientôt. C'est un guerrier qui protège sa famille, son foyer, sa tribu, contre tout ennemi, les bêtes féroces, les esprits et les loups. On sait que pour baiser ton père a payé, c'est l'heure que chaque est bloqué et paralysé. La touffe coincée dans un fer à lisser. Si l'argent la paye, le magot se trouve dans ton bide, on va t'éventrer. Dans ton trou de balle, aide-moi à la rentrée. Je vais pour arroser ces chiens, comme sous une douche Ita. Bien, Renoir galbé comme Franck Mir, la même Kalashnikov que Vladimir. Le hall d'entrée sert de réserve, ce compte réserve. La terre est mon seul service, je suis prêt pour la guerre comme un réserviste. On est venu comme des bonhommes, on va partir comme des bonhommes. Que du sale sur le terrain, ça bonne. Même l'arbitre abandonne. Vendre quelques grammes de hashish ne fais pas de toi un gros six. Couper les oreilles d'un caniche n'en fera jamais un pif. Pendant que mon one se consume, mon corps se consume. Je nettoie tellement mon flingue, tu vois ton reflet dessus avant que je te fume. Pour nous ce sera ces paillettes, pour toi ce sera des balayettes. Ça, 2A, R.I.S. Le premier esclave avec une mitraillette. Je sais que c'est de R.O., je sais que tu kiffes. Ils font la queue pour un nouvel arrivage. J'ai réussi à admirer ton soutien. Je ne pourrai jamais mettre un sourire sur ton visage. Beaucoup de faux, très peu de vrai. Je vais pouvoir voir de loin comme de près. C'est sur la maille qu'on se focalise au lieu de la date de l'apocalypse. Je répète, tout est falche, ouais. On est tous en sursis. Même quand elle s'est démaquillée, elle n'a plus de sourcils. Je vise ta rondelle, je suis quelqu'un qui voit large. Personne n'arrête un éléphant qui charge. La gloire t'enferme dans un sarcophage. Seule la famille t'attend à l'autre bout du rivage. Chez nous la pauvreté est héréditaire. Faire du très sale est un intermédiaire. Mais ça dure pas longtemps comme un intérimaire. Je kick à double facture, tu sais bien. Chaque génération a sa blessure. Je possède toutes les clés de toutes les séries. Je serai à corps jusqu'à la mort, sois censure. Le 7 des 2 héros, poteau. La double A et Kétal Sadoum. Toi-même, tu sais, Sango le dozo. Ouais! Ouais! Dozo. Dozo.